Puisque les échanges ont commencé, on peut peut-être entamer une discussion. Si vous avez des questions à poser à nos invités sur leurs interventions, sur des points, sur des extraits que l'on a vus. Oui, moi je voulais demander tout à l'heure à Anne-Marie par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez ramené une bobine, vous avez parlé de Kalkar avant. Le film allemand en question, c'est un film sur Kalkar ? Sur Brockdorf. D'accord. Okay. Et des images de Kalkar, vous savez s'il y en a, par exemple ? Je ne sais pas, il faudrait demander à Méthione, il faudrait voir sur le site, savoir s'ils ont en archive. Moi, j'ai des photos, mais je n'ai pas de films. C'est vrai que moi, c'était les premiers. Là où j'ai eu une grosse émotion, c'est à un moment donné, on a dû passer par un sentier. Il y avait un car de police, et juste au-dessus du car de police, il y avait la même caméra que nous. Oh là là, qui nous filmait ! Ça a été le choc. On va aussi récupérer tout. Oui, il faudrait voir à Kalkar. Il faudrait voir si on met MP de CED. Ils ont les archives et ils ont les. Non, il n'y a que Brockdorf. Mais c'était un film extra. Oui, très impressionnant. Oui. Fou. Voilà. Juste pourquoi on ne peut pas voir Malville, enfin, Malville avez... état de siège. Oui. Vous n'en avez pas de. J'ai DVD, que. Non, je n'ai que des copies argentiques. Qui sont revenus après les diffusions, mais je n'ai pas eu de. Aucun télécinéma n'a été fait. C'est là l'intérêt de la vidéo. Oui. Ça dit. Oui, oui, mais j'ai des copies positives aussi qui ont tourné, mais les négatifs sont chez LTC. Enfin, étaient LTC maintenant, voilà. C'est une question très importante. Est-ce que vous avez toujours brûlé ? C'est pas évident. Parce que quand on a eu un mal de chien, récupérer nos négatifs. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais ils sont fermés, c'est ça ? Ils sont fermés, ils ont été vendus. Il y a un an, mais ils ont transféré aux archives du film les stocks qu'ils avaient. Au moment de la session. Ça n'a pas fait partie de la session. Il y a un stock qui est parti chez Technicolor aussi. Ah, aussi ? Je voulais de savoir où on est alors. Entre Bois d'Arcy. Et... Mais ce qu'il faut préciser, c'est que, enfin, pour moi, c'est. J'ai fait d'autres films de la même manière, dans d'autres pays. Mais c'est une époque, j'allais dire, close. Voilà. C'est un chapitre clos d'une époque. Et c'est pour ça que je ne me suis pas tellement préoccupé. De lieux où se trouvaient les originaux, les négatifs montés, et des inters aussi, les inters qui ont servi à tirer les copies. On tirait entre 30 et 50 copies par chaque titre. Donc quand même, ça faisait du monde. Mais c'est trop curieux, vous disiez que c'est un chapitre clos, ouais, moi aussi, alors que ce qu'on voit là, enfin, moi, c'est, une... c'est la présence, enfin, l'actualité, on l'a dit, je crois, tout à l'heure. Quand on voit la parole qui a été recueillie de ces événements et au-dessus de cette parole les réflexions la pensée un peu sociétale ou politique qui s'y dégage, le lien entre cette époque des années 70 et aujourd'hui est absolument frappant. C'est-à-dire que ce qui est clos, c'est probablement une manière, enfin on va dire une manière d'être. On a parlé, on voyait les ingénieurs qui se mettaient torse nu sur le toit de Jussieu, ce qui est un comportement, effectivement, qui me paraît clos aujourd'hui. Pas forcément. Enfin, non. Ça dépend dans quel contexte. Voilà, oui, peut-être, exactement. Alors on n'est plus dans les mêmes histoires. Mais ce qui est frappant... Notre-Dame des Landes, peut-être que oui. Oui, voilà, alors on retrouvera ça là, mais en même temps, il y a quelque chose de clos et quelque chose qui est constamment réactivé par les images. Et juste le débat que vous aviez entre une mise en scène et une parole recueillie, je pense qu'on a besoin aujourd'hui des deux approches, il me semble. Oui, je suis d'accord. La force qu'ont les paroles, on va dire vraies, directes et indirectes recomposées, permettre de comprendre l'histoire de cette époque. Donc voilà, moi je pense que les deux ont cohabité de fois un peu avec des fois des questions, oui, on sent. Sur le terrain, mais on a trouvé chacun notre place qui n'était pas la même. Moi par exemple, pour Le Payeur aussi, je l'ai filmé, Mais j'ai pas. Là, il y a il y a un gars, je sais pas si tu te rappelles le gars qui était sur le pont, qui s'est assis. Le oui. vieux, le très vieux monsieur, et qui a dit. Voilà. On a pu. Et donc, moi, là, il y a une séquence qui est dans le DVD, là. Et il explique, et c'était très, très touchant, parce que. Il explique qu'il s'est assis sur le tas au milieu du pont en disant mais je suis là quoi, c'est mon pont, etc. Et alors les forces de l'ordre, le jeune, il commence à lui dire je te connais, et lui il était extrêmement ému parce qu'il disait mais moi j'ai vu les Allemands et tout ça, je connais tout ça, mais ils ne me feront pas déloger. C'était très fort parce qu'il y a eu comme Madame Carrara, Un rappel avec d'autres événements. Ouais. Vraiment, les personnes ont vraiment rattaché ça à d'autres événements, dont vous pensez. Sauf que peut-être vos films et vos images ne sont pas passés dans l'histoire des images. Moi, c'est ça qui me frappe aussi. C'est-à-dire que les témoignages que vous apportez là, et même les films, sont des documents historiques qui n'ont pas pris leur place dans l'histoire des images. Pas encore. Oui, mais c'est bien ça. Qu'est-ce qui fait l'histoire des images ? C'est toute la question. Moi, quand je disais tout à l'heure que c'est une page tournée, c'est parce qu'on ne peut plus aujourd'hui diffuser comme on le faisait à l'époque. Donc, c'est la télévision qui a pris sur soi de traiter le sujet à sa manière, selon sa ligne éditoriale, qui n'est pas évidemment la nôtre. Mais la nôtre n'a plus lieu. Elle n'a plus d'endroit où avoir son lieu de diffusion et d'expression. C'est ça le problème. C'est pas une défaite consommée. Il faut trouver les lieux. J'ai même fait de la diffusion avec des camions dans les arrière-pays défavorisés. Ça se fait encore dans les campagnes. Ah oui, je l'ai fait avec ces films-là. Voilà. Je voulais aussi l'action, on en a fait. On a fait de l'action. Ce qui est frappant aussi, c'est vrai que c'est très intéressant de retrouver ces images. Effectivement, on était un peu aussi dans l'éphémère. Hein. C'est vraiment la BNF, enfin le groupe, qui a permis de faire. Et ça nous intéresse beaucoup parce que. C'est un retour sur de mémoire qui est quand même assez extraordinaire. Et on voit la permanence des phénomènes. Le problème de la violence, et notamment de ces groupes allemands, etc., on les a retrouvés tout le temps. Par exemple, dans les forums socio-économiques, par exemple en Italie, vous avez, ça démarre, c'est non violent, même si c'est un petit peu, c'est non violent. Et puis vous avez des groupes. Qui viennent avec une idée de violence, et ça se termine souvent par des affrontements très très durs. Avec l'OTAN à Strasbourg, on y était, on a vu le même phénomène. Et donc, on ne peut pas demander effectivement d'entrée de jeu à des paysans, à Erdogan, ou qui ont des familles, des exploitations, etc., d'être violents. Ça ne se conçoit pas. Simplement, il y a des groupes qui viennent. Et certainement, à Notre-Dame-des-Landes, il va y avoir ce phénomène progressivement. Mais ça risque au moins. Non, ça risque. J'ai un problème d'horaire. Et comme je suis dans la. Je suis vraiment désolé, depuis tout à l'heure, j'attends. Mais comme là on rebondit sur une discussion qui va forcément prendre du temps, il faudra qu'on en reparle ou que vous en parliez en dehors. Je suis obligé de conclure parce que j'ai été l'autre fois rappelé à l'ordre, à l'horaire, par les gens qui gèrent la sécurité ici. Donc, nous sommes obligés d'arrêter là. En vous remerciant beaucoup, vous pouvez poursuivre la discussion dehors. Il fait beau, il faut en profiter. Là, on n'est plus dans les sorties de nuit comme l'hiver dernier. La prochaine, je voudrais signaler, et pour les remercier aussi, que Yvonne Mignot-Lefebvre, Michel Lefebvre viennent de confier une très grande partie, l'ensemble de leurs archives papier à la BNF. Qui est un ensemble très conséquents, non seulement sur leur travail, mais sur l'univers de la vidéo militante ou la vidéo engagée. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, à fond, qu'on va commencer à inventorier, à rendre visible, qui permet aussi de contextualiser, bien évidemment, ces films et d'organiser des recherches autour. La prochaine séance du séminaire, c'est la dernière de la saison, aura lieu le 10 juin autour du lion, sa cage et ses ailes d'Armand Gatti, Hélène Châtelain et Stéphane Gatti, une série exceptionnelle de 8 films conçus avec des travailleurs immigrés de Montbéliard, OS chez Peugeot, manœuvre dans le bâtiment. Donc nous vous engageons à ne pas manquer cette séance, donc qui sera la dernière de la première année du séminaire. On vous annoncera nos réflexions sur la deuxième année, je pense, à ce moment-là. Oui. Et